Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Peut-être que certains d'entre vous êtes en train de boire un chocolat chaud. Eh bien, sachez que ce chocolat aura meilleur goût si vous le buvez dans une tasse orange. C'est le résultat étonnant d'une nouvelle étude qui nous montre qu'on mange aussi beaucoup avec nos yeux. Oui, se nourrir, c'est avant tout une nécessité, mais c'est aussi un plaisir. Or, pour le maximiser, les études montrent qu'il faut faire appel à tous ses sens, en fait. Une étude toute récente révèle que le chocolat chaud n'échappe pas à la règle. Alors, si sa couleur cacao ne risque pas de changer, celle de son contenant le peut ou risque de leurrer le cerveau et d'altérer le goût de la boisson chaude. On a parfois tendance à l'oublier, pourtant nos cinq sens participent simultanément à de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Par exemple, l'attirance qu'on a pour une personne ne se limite pas seulement à son apparence physique. Sa voix, son odeur et la douceur de sa peau ou de ses caresses peuvent y contribuer fortement également. Il en va de même, lorsqu'on mange. Le goût n'est pas le seul sens à être sollicité. La saveur d'un aliment, en fait, passe beaucoup par l'odorat. Ouais, c'est vrai. C'est un fait, de façon majoritaire, je dirais. Sa texture ou sa consistance peuvent, dans certains cas, avoir de l'influence sur l'appréciation qu'on a pour un aliment, alors que les yeux, eux, mettent en appétit. C'est vrai. De précédentes études montrent, par exemple, qu'une boisson paraît plus rafraîchissante si elle est servie dans un verre bleu, une couleur froide, plutôt que dans un verre rouge. Ou encore, elle va paraître plus sucrée si son contenant est rose. Mais chaque aliment est différent. Qu'en est-il pour le chocolat chaud? C'est une question fondamentale en science, à laquelle se sont attelés deux scientifiques de l'Université Polytechnique de Valence en Espagne et de l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne. La réponse à cette question est exposée dans le Journal of Sensory Studies. Mais ouais, c'est assez curieux, encore des fois des drôles de sujets d'études. Oui. C'est assez surprenant. En tout cas, moi, je suis rassurée parce qu'on dirait que ma tasse que j'ai, c'est la bonne couleur. Ah bon? Ça me rassure vraiment beaucoup. Donc, et la couleur pour déguster un bon chocolat, eh bien, ce serait le orange. L'expérience a nécessité la participation de 57 volontaires. Tous étaient invités à boire et à évaluer 4 échantillons de chocolat chaud, chacun contenu dans un gobelet en plastique de couleurs différentes. Alors, il y avait un gobelet blanc, un gobelet crème, un gobelet orange et un gobelet rouge à l'extérieur, mais l'intérieur de tous les gobelets était blanc. Évidemment, il s'agissait de la même boisson qui était versée dans chacun des verres, mais les volontaires ne le savaient pas, bien entendu. Alors, ils ne connaissaient pas non plus le but de l'expérience. Et donc, selon l'étude, c'est donc le gobelet orange qui faisait ressortir le meilleur goût au chocolat? Ben, de façon générale, les cobayes ont trouvé que le chocolat des gobelets orange et crème avait meilleur goût que ceux des autres gobelets. Par contre, l'effet s'est révélé nettement moins marqué lorsque les participants ont dû noter la douceur et les arômes du chocolat chaud, même si le verre de couleur crème semblait stimuler davantage les papilles sucrées des volontaires, qu'ils trouvaient également plus aromatisés. Les auteurs de l'étude ne cachent pas qu'il n'existe en réalité aucune règle prédéfinie pour déterminer quel contenant ou quel emballage correspond le mieux à un aliment donné. Il y a peut-être des couleurs qu'on éviterait spontanément quand même, peut-être. Oui, peut-être. Dans certains cas, mais ça dépend aussi peut-être des aliments aussi. Ouais. Pourtant, leur expérience le prouve une fois de plus. La vue change la perception sensorielle. Nous mangeons aussi avec nos yeux. Oui, en effet. Tout est dans la perception. Hein? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on a une idée des mécanismes qui influent sur cette perception? Les explications sur ces observations ne sont pas encore complètement claires. La seule évidence, c'est que le cerveau est derrière tout ça. Une autre étude parue au début des années de l'année 2012 avait démontré que la seule vue d'un repas alléchant, seulement le voir, là, pas le sentir, suffisait à activer certaines régions spécifiques dans le cerveau. On commence à manger déjà. Oui, c'est ça. Enfin, notre cerveau commence à manger. Exactement. Et on peut se poser un tas de questions. Est-ce que les résultats de l'expérience auraient été les mêmes, en fait, dans un autre milieu culturel, comme en Inde, par exemple, où les couleurs et les saveurs n'ont pas les mêmes références culturelles qu'en Occident? Si des questions sur le sujet restent nombreuses, ces travaux scientifiques peuvent être utiles pour les professionnels de la restauration et de l'alimentation en général. En faisant attention à la présentation ou à l'emballage, ben, ils ont l'occasion de rendre leurs produits encore plus goûteux aux yeux des consommateurs. Ben oui, dans les restaurants ou partout, nous servir un café dans un gobelet de la bonne couleur, ou tout un tas d'applications. Ouais. Et même ça, souvent, même de la bonne texture. Parce que moi, me faire servir un chocolat chaud dans un verre en styromousse, ouais, ça m'intéresse pas, moi non plus. Déjà, ça gâche une partie du plaisir. Oui, absolument. Ouais. Ben, en fait, ça rappelle aussi ce que disait Karine Gravel, notre chroniqueuse nutrition, dans une chronique portant sur la perception des aliments l'automne dernier à Futur Simple. Il me semble qu'elle a parlé de quelque chose du goût en fonction de la couleur. Ouais. Hein, ouais, c'est un fait. Et aussi de ce qui était affiché aussi sur l'étiquette du produit. Oui. Alors, on va rester dans le domaine de l'alimentation, mais on parle maintenant de surpoids. Donc, selon une étude récente, le surpoids, on ne parle pas d'obésité majeure, là, de surpoids, hein. C'est ça. Donc, le surpoids diminue le risque de mortalité. Bon, c'est un petit peu surprenant. De façon générale, les individus en surpoids ont un taux de mortalité inférieur à ceux qui gagnent la ligne. Je pense que c'est supérieur plutôt, j'ai dû me tromper. Donc c'est contre-intuitif, mais ce qui ressort d'une très vaste étude portant sur près de 3 millions de personnes. Et un peu de graisse pourrait donc s'avérer bénéfice. En revanche, les formes d'obésité les plus sévères, elles réduisent fortement l'espérance de vie. Donc c'est une étude que tu vas nous résumer. Oui, alors on sait bien, Valérie, l'espérance de vie dépend en fait d'un ensemble de paramètres génétiques et environnementaux. Des études montrent, par exemple, qu'une alimentation saine prise en petite quantité ou une activité physique régulière allonge la durée de la vie. Par contre, on associe souvent le surpoids et l'obésité à de nombreuses pathologies métaboliques et chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et même certains cancers. Mm-hmm. Pourtant, contrairement à ce que laissent entrevoir les idées déjà établies, quelques kilos en trop pourraient s'avérer bénéfiques. C'est en tout cas ce que démontre une vaste étude effectuée par le National Center for Health Statistics des États-Unis à partir de l'analyse de données provenant de 97 études dans lesquelles on compare l'âge du décès en fonction de l'indice de masse corporelle, mm-hmm. toutes causes de mortalité confondues. Mais ça, c'est une grosse étude. Là, c'est une étude qui réunit 97 études. Donc, j'imagine que la cohorte est significative. Là, il y a une cohorte importante. Oui, alors ces recherches qui ont été regroupés dans le JAMA, c'est-à-dire le Journal of the American Medical Association, englobe 2,88 millions de personnes et plus de 270 000 décès répartis aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Mexique, en Inde, en Chine, à Taïwan, au Japon, en Israël et au Brésil. Donc, vraiment, l'échantillonnage est donc suffisamment important et réparti pour constituer une base de données qui est vraiment crédible. Ouais. Alors, quelles conclusions on tire de l'analyse de toutes ces données? Alors, contrairement à toute attente, la frange de la population qui a un indice de masse corporelle compris entre 25 et 30, c'est-à-dire considéré en surpoids, a une mortalité inférieure de 6 % par rapport à celle qui ont un poids dit normal avec un indice de masse corporelle compris entre 18,5 et 25. Pour l'obésité modérée, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle compris entre 30 et 35, la longévité est identique à la tranche saine de la population. Par contre, dès que l'indice de masse corporelle dépasse 35, ben, les risques de mourir augmentent de 29 %. Donc, effectivement, c'est assez contre-intuitif, là. Oui. Parce que finalement, les gens qui sont en surpoids ont... Les mêmes chances. Comme une meilleure espérance de vie que ceux qui ont un poids dit normal. Ouais, et ceux qui sont dans la première catégorie d'obésité ont le même taux de survie les gens de poids dit normal. C'est assez contre-intuitif. Ouais. Alors, pourquoi les personnes en surpoids ont-elles un taux de survie? Est-ce qu'il y a une explication à ça, finalement? Pourquoi est-ce qu'elles auraient un taux de survie plus important que les autres? Ben, justement, l'étude ne le détermine pas, mais on lance des hypothèses. Alors, l'une d'elles considère que le léger excédent graisseux constitue une réserve dans laquelle l'organisme peut puiser, en fait, en cas de problème de santé. Mm-hmm. Les auteurs évoquent également la possibilité que des patients en surpoids se présentent plus tôt à l'hôpital en cas de problème ou bénéficient d'une plus grande probabilité de recevoir le traitement médical optimal. Mm-hmm. Cependant, des biais sont tout à fait possibles. La consommation tabagique, le stress ou d'autres paramètres n'ont pas été pris en compte. De plus, l'indice de masse corporelle n'est pas un indicateur parfaitement fiable, car il ne renseigne pas adéquatement sur la composition du corps. Par exemple, certaines personnes très musclées peuvent entrer dans la catégorie du surpoids alors même qu'elles ont très peu de réserves de graisse. De plus, c'est-à-dire l'étude n'a pas tenu compte de l'endroit où le gras est emmagasiné, c'est-à-dire est-ce qu'il est emmagasiné de façon sous-cutanée ou encore interviscérale, parce qu'on sait maintenant que c'est le gras entre les viscères qui est mauvais. Peut-être qu'on aurait dû corréler la longévité en fonction du tour de taille plutôt qu'en fonction de l'indice de masse corporelle. Alors, ces résultats intéressants sont donc à prendre avec une certaine vigilance. Il faudrait surtout les compléter avec plus de précision pour déterminer, en fait, ce qui préserve effectivement les personnes en surpoids. Oui, c'est effectivement intéressant, puis c'est là que ça vaut le coup de regarder ce qu'il y a derrière l'étude, de pas juste s'arrêter peut-être au premier titre ou à première conclusion, et de regarder ce qu'il y a par en dessous. Et ça me rappelle aussi une entrevue qu'on avait faite en décembre ou en novembre, je ne sais plus, avec le docteur Anthony Carilis, sur les paradoxe de l'obésité, et je crois me souvenir qu'il disait que l'indice de masse corporelle n'était pas forcément le meilleur indicateur du poids santé. Donc ça revient un petit peu à ça. Là, il y a une étude qui est faite, mais qui prend comme référence le poids santé, mais si c'est pas un bon indicateur de santé, eh bien à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, ça met des bémols à l'étude. Alors merci beaucoup François pour cette étude, sa lecture. Et le bémol apporté. Alors, on va passer. Est-ce qu'on fait une. Je pense qu'on a le temps de faire une petite pause musicale, peut-être. Est-ce que. Non. Est-ce que c'est possible de faire oui, une. On aurait oui, le temps, oui. Je pense. Alors, François est en train de nous concocter ça. Il va nous partir une pause musicale dans quelques instants. Et vous êtes toujours sur CKRL au 89.1.